Poton, Barre refuse de plier contre les féministes, c'est parfait. Et voilà. Ouais, avec Jérôme Landry qui est pas Jérôme s'appelle Landry. Même pour de vrai. Ben oui, c'est son nom. Le gars de Le gars de la petite grenouille ben oui. qui est pogné dans le faux scandale du Mille Photons s'appelle Jérôme Landry. Mille photons, tabarouette, c'est quand ça? C'est vendredi. OK. Je te dis ça de même. 8h45. Hey, il est de retour dans le journal de